Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et je suis un des deux animateurs de cette émission. Quelques personnes pourraient dire peut-être le moins important. Le plus important, c'est mon ami et collègue journaliste Marc Bouchard. Salut Marc. Salut, non, ne néglige pas ton importance, mon cher Luc. Le faut rappeler aux gens que le podcast Ça roule Radio, c'est pas mon idée, c'est celle de Luc Desormeaux. Ça me fait plaisir de m'y associer et on est très heureux que vous soyez avec nous toutes les semaines pour écouter tout ce qu'on a à vous dire sur nos petits délires dans le monde automobile, nos essais et bien sûr, on parle aussi d'actualité automobile. Oui, à ce que je sache, les gens apprécient. J'ai beaucoup de commentaires de gens qui disent que l'émission, ils aiment ça, c'est le fun, ça, on se prend pas trop au sérieux, il y a de l'humour et tout ça. Des fois, on s'agace un peu. Donc, je pense que les gens apprécient. Si vous aimez ça, si vous avez des suggestions, ben on a une adresse courriel que je vais dire à la fin de l'émission. Écrivez-nous, donnez-nous vos suggestions. Des fois, vous avez des questions aussi, ça nous ferait plaisir d'y répondre si jamais on peut. Donc, gênez-vous Et pas. pendant que vous êtes, excusez, pendant que vous écoutez l'émission, il n'y a rien qui vous empêche d'aller sur notre page Facebook, Ça roule radio, de poster vos commentaires immédiatement, comme ça vous serez sûr de ne pas les oublier, mon cher. Ouais, c'est ça, nous autres, on va voir, puis si on voit des questions, je les mets de côté, puis je les pose à Marc, puis des fois, c'est des calls, puis c'est le fun. Tant Bon. qu'à se taquiner un peu, je veux juste préciser que, mon cher Luc, je veux que tu constates que je suis capable de dire plus qu'une phrase, Oui. parce qu'on va dire aux gens cette semaine que tu m'as insulté par la messagerie Facebook en me comparant à Groot, le Oui. personnage dans Les Gardiens de la Galaxie qui ne disait qu'une seule phrase. Alors, je suis heureux de te montrer que j'ai un plus grand vocabulaire que ça, finalement. Ouais, c'est parce que c'est ce que tu avais écrit avant qui ressemblait soit à Yoda, soit à Groot. C'est pour ça que je t'ai appelé Groot. Mais on l'aime, Groot. Il Ouais, c'est est le ça. fun, surtout à la fin quand il danse là, dans le film. Ouais, ça va être correct. Ouais, c'est ça. T'oublies, tu rêves pas, tu verras pas ça. Ouais, c'est ça. C'est correct. Oui, je vais bien m'emporter. Bon, on va arrêter de se taquiner. On va passer aux choses sérieuses, Marc. Il y a eu une nouvelle quand même assez importante. La semaine passée, on était supposé en parler sur l'émission de la semaine passée qui n'a pas eu lieu. Nissan a décidé d'acheter une bonne partie. 34% là, de Mitsubishi. Bon, moi je trouve ça drôle, je voulais qu'on en parle, je voulais que tu me donnes un peu ta vision de ça. C'est Nissan qui a finalement dit que Mitsubishi trichait sur les chiffres, on en a parlé, trichait sur les chiffres de consommation d'essence et tout ça, sur les voitures que Nissan achetait de Mitsubishi pour les revendre sous le nom Mitsubishi ou Datsun, je pense, pas Mitsubishi, Nissan ou Datsun dans d'autres C'était, pays. en fait, c'était les petits modèles Kai, là, les tout petits modèles, 0,6 litres de cylindrée, des moteurs qui sont vendus essentiellement au Japon, Ouais. qui étaient vendus pas sous Datsun. Datsun, c'est la Go, elle est vendue uniquement aux Indes. Donc, c'est vraiment strictement sous Nissan. OK. Et Mitsubishi en vendait deux. Mais tu as raison, ça sonne un peu bizarre parce Ouais. que Nissan a dénoncé cette façon de faire-là. Ça a fait évidemment chuter l'action considérablement de Mitsubishi. Et ben là, aujourd'hui, Nissan s'est porté, pas aujourd'hui, mais ils se sont portés acquéreurs de 34%, devenant donc l'actionnaire de contrôle. C'est-à-dire que c'est Nissan qui est le plus gros propriétaire individuel d'actions dans Mitsubishi Motors. Ouais, donc ils peuvent pas mal décider de ce qui se passe avec Mitsubishi. J'ai trouvé ça drôle. Je pensais faire une comparaison. C'est comme si moi j'allais voir le patron de mon voisin, parce que j'aime beaucoup la maison de mon voisin. J'allais voir là, son patron. Je disais, tu sais, ton employé, là, il est croche. Il te vole du stock. Il ramène du stock à la maison. Tu devrais pas le garder cet employé-là. Puis il se fait mettre dehors. Puis grâce à ça, il est obligé de vendre sa maison. Ouais, c'est. Pas cher parce qu'il est pressé de la vendre parce qu'il a plus de salaire. Puis comme par hasard, moi je l'achète. Ouais, C'est ben, comme. c'est un peu ça. Mais en même temps, il ne faut pas négliger que Mitsubishi et Nissan sont des partenaires d'affaires depuis des années. Oui. Tu sais, c'est pas d'hier, là. Mais Fait que Mitsubishi a oui. été partenaire avec Chrysler. Ils ont été partenaires avec plusieurs personnes aussi dans le Avec GM, passé. entre Oui, autres. c'est ça, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient encore des partenaires actifs et ça fait une vingtaine d'années au bas mot qu'ils sont partenaires ensemble. Alors, évidemment, c'était quand même, comment je pourrais dire, c'était un élément logique. L'autre affaire qu'il faut vérifier, c'est que par la suite, une fois qu'on a parlé des fameuses petites cailles, des petites voitures à faible cylindrée, ben, il faut comprendre que Mitsubishi s'est retrouvé dans le trouble encore plus que ça. Parce que là, on a découvert que 13 modèles Mitsubishi étaient affectés par le mauvais calcul de consommation et depuis 25 ans. Ouais, Alors, ça fait longtemps, là. c'est tellement d'ailleurs qu'aujourd'hui, le président de Mitsubishi a démissionné. Alors, c'était, oui, je comprends que Nissan a servi de lanceur d'alerte et ils ont peut-être profité de l'occasion, mais Mitsubishi s'est mis dans le trou. trouble tout seul en faisant ça sur 25 ans. La bonne nouvelle, c'est qu'en faisant ça, Nissan et Mitsubishi vont être en mesure de partager les recherches technologiques, entre autres sur la voiture électrique. On le sait que Mitsubishi travaillait dans ce sens-là pas mal. On connaît l'amour de Nissan pour les voitures électriques. Donc, ce sera possiblement un partage technologique et technique qui va être intéressant. Mais pour Carlos Ghosn, le big boss de l'alliance Renault-Nissan, c'est le défi d'une vie. S'il se plante avec Mitsubishi, ben là, évidemment, c'est toute sa carrière qui pourrait en souffrir. Alors, on verra ce que ça va donner. C'est un risque. Je comprends que ça s'est fait dans des conditions étranges. Ça peut sonner bizarre, mais c'est un risque important pour Nissan. Et je pense que pour M. Ghosn, il va falloir respirer un peu puis prendre le taureau par les cornes pour être capable de redresser la situation. Parce qu'écoute, la Mitsubishi, ça a vraiment, vraiment perdu des plumes au cours des derniers jours. Non, on s'entend. Puis même, tu sais, si on regarde la gamme de produits de Mitsubishi, c'est un peu ordinaire, là. C'est la Mirage. Tu sais, la Lancer est vieille, les VUS sont pas si pires, ils ont discontinué l'Eclipse, qui était la voiture forte, je pense, chez Mitsubishi depuis plusieurs années. La Lancer Evo. La Evo, qui a eu sa dernière version, je pense, l'année passée, puis les journalistes qui ont essayé ça ont dit, regarde, elle aurait dû finir avant ça, là, c'était même pas... Tu sais, c'est plus compétitif à comparativement à ce que Subaru peut sortir. Ça commence à tirer de la patte un peu, puis c'est pas la Mirage qui va les remettre nécessairement sur les rails. Non, ils comptaient beaucoup sur le Outlander branchable, cependant, là, qui lui doit arriver cet été. On va voir ce que ça va donner, sincèrement, parce que comme je te le dis, il faut que Nissan soit en mesure de rétablir l'ordre un peu avec ça. Tu le dis, il n'y avait plus de développement qui se faisait, ça devrait être... Mais il faut faire attention. Encore une fois, c'était vrai chez nous et aux États-Unis, c'est beaucoup moins vrai au Japon. Au Japon, Mitsubishi Motors, c'est une grosse compagnie qui a l'air quand même relativement bien. Oui, c'est ça. Mais j'ai entendu certains ou j'ai lu certaines choses qui disaient que Nissan penserait peut-être juste à un moment donné se débarrasser du nom de Mitsubishi puis tout juste prendre ça sur le nom de Nissan parce que Mitsubishi, le marché des Kaikars qu'on appelle au Japon, ça leur appartient. Là. C'est eux autres qui sont les plus gros là-bas. Donc, en achetant Mitsubishi, ben Nissan se retrouve à pas mal gérer ce marché-là, qui est un gros marché au Japon. Ici, ça n'existe pas, mais au Japon, c'est la majorité des voitures qui se vendent, c'est ça. C'est des petites voitures, parce qu'il y a pas de place. Donc, je veux dire, c'est un peu ce que certaines personnes pensent. D'autres personnes vont dire, ben là, Mitsubishi va rajeunir leur flotte de voitures. La seule chose, c'est que ça va probablement être des Nissan qu'on va remettre un autre logo dessus, qu'on va changer un petit peu. Ça va devenir un peu comme peut-être Chevrolet Pontiac à un moment donné. Il y a des gens qui ont peur un peu de ça ou que Mitsubishi va tout simplement juste disparaître d'ici une couple d'années. Oui, ben en fait, je pense qu'effectivement, ça pourrait être une direction envisageable. En même temps, je suis pas sûr, tu sais, Mitsubishi, il faut se rappeler que c'est quand même pas la dernière des compagnies. Là, on parle de Mitsubishi Motors, qui est une division de Mitsubishi, mais écoute, c'est énorme, Mitsubishi, là. Tu sais, il y a des airs climatisés, puis plein de... Non, il y a des télévisions, puis tout ça. C'est un peu comme Hyundai. Le Hyundai, tout le monde pense que c'est juste des voitures, mais c'est plus gros que ça. Là. Ça fait d'autres choses que ça. Là. C'est ça. Alors, on va voir comment les autres actionnaires de Mitsubishi vont réagir à cette idée-là de Nissan de changer de nom. Pour le moment, moi, j'ai un petit doute, pour être franc avec toi, mais le fait que le président Mitsubishi ait démissionné aujourd'hui, ça pourrait peut-être aller dans le sens que tu viens de mentionner. On va en profiter juste pour préciser, on parle de Mitsubishi, qui est une compagnie qui allait pas très bien chez nous, dans la série des compagnies qui allaient pas très bien chez nous, mais qui ont disparu, c'est Suzuki. Ouais. Et Suzuki a été déclaré aujourd'hui exactement dans le même bateau que Mitsubishi, c'est-à-dire qu'ils avaient triché sur les codes de consommation au cours de la même période que Mitsubishi. Ça semble donc être une tendance là, japonaise assez implantée dans le marché, je dirais. Ouais, peut-être pour les plus petits là, qui ont de la misère à se tailler une place puis qui essayent de se tailler une place sur un marché dominé par Toyota, puis Nissan. Puis, ouais, mais tu l'as mentionné, c'est aussi les fabricants des petites Kaikars. Donc, des petites voitures, Suzuki en faisait pas mal aussi. Moi, je pense que c'était dans cette optique-là, c'est ces petits véhicules-là qui ont été les plus touchés par les tricheries, si tu veux, au niveau des codes de consommation. Bon, j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que Mitsubishi a de la misère ici. Là, on reçoit les chiffres de vente, puis c'est vraiment minime. Aux États-Unis, la marque a beaucoup, beaucoup de misère aussi. Il y a des journalistes qui veulent plus rien conduire de Mitsubishi parce qu'ils disent, regarde, ça vaut juste pas la peine. Je sais pas, tu sais. Il y a certaines voitures intéressantes. Moi, j'ai toujours aimé l'Eclipse. La journée que Mitsubishi a décidé de retirer l'Eclipse du marché, j'ai pensé que c'était une mauvaise idée parce que tu pensais à Mitsubishi, tu pensais à quelle voiture, tu pensais à l'Eclipse. Tu pensais Ouais, mais en même à temps, l'Evo aussi. c'était des voitures qui étaient dépassées Oui, technologiquement. oui. Écoute, le V6 sur l'Eclipse était tellement lourd que tu le sentais dans la direction quand tu prenais des virages un peu trop appuyés, ce qui est quand même un peu troublant pour une voiture qui avait plus de 200 chevaux, qui était prévue pour être un peu sportive. Alors évidemment, le problème de Mitsubishi, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas investi suffisamment dans des technologies de moteurs un peu plus traditionnels. Ils ont voulu se lancer à un moment donné, ils ont eu quelqu'un. Mais tu sais, Mitsubishi a toujours été géré par à-coups, je te dirais. Tu sais, ils Ouais. sont revenus au pays il y a quelques années, rappelle-toi. Puis quand ils sont revenus, c'est la compagnie qui avait dit achetez maintenant, payez plus tard. Ouais. Ben, au bout de plus tard, c'est-à-dire au bout d'un an, ils se sont retrouvés avec une tonne de véhicules d'occasion parce que les gens ne voulaient pas payer. Fait que ça faisait un an qu'ils avaient le char, ils ont ramené le char puis ça finit là, là. Ouais, c'est ça. Alors, tu sais, ça a toujours été de décision en décision. À un moment donné, Mitsubishi a décidé qu'il se tournait vers l'électrique. Mais leur seule voiture électrique, c'est la i-MiEV. Ouais, puis elle s'est faite vite dépasser par d'autres, là. Ben, tu sais, je veux dire, un kart de golf avec un toit puis une vitre, c'est correct, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas faire une business, tu peux pas faire vivre une entreprise complète là-dessus. Alors, je pense que ça, c'était le gros problème. Ouais, donc on va voir ce qui va se passer avec ça. On va sûrement en entendre parler un petit peu dans les prochains mois ou dans la prochaine année. Donc, Marc, on va continuer. Tu vas nous parler de quoi cette semaine? Tu as l'essai de quel véhicule, toi? En fait, je vais parler de l'essai du Ford Escape que je suis allé faire la semaine dernière dans la région des Rocheuses, où je suis allé fréquenter les ours, les mouflons et les caribous. Ouais, et puis la neige aussi. Ah, t'es pas obligé de me le rappeler. C'est toi qui as ramené ça dans la région, Ouais, je sais, je dans sais. tes valises. Ouais, je sais, je t'avais averti de pas en ramener, puis tu l'as fait pareil. Tu m'écoutes pas. Effectivement. Mais entre-temps, il faut quand même préciser qu'on a un sujet que moi, je trouve particulièrement intéressant ce soir. On fait une espèce de spécial sport motorisé. Ouais, on va parler de la coupe Micra. On a deux invités super intéressants. Puis moi, je vais vous parler de mon essai du Dodge Durango 2016. Donc, on va faire une petite pause, puis on revient ensuite avec notre premier invité pour parler de la coupe Micra. Alors, on est de retour de la pause. Luc, mon cher, on a évidemment parlé beaucoup de nos essais avant la pause, mais là, on va parler de quelque chose d'un peu spécial. Et on a l'occasion d'avoir un invité particulier. Je suis très content de l'avoir. On a parlé, on est allé d'ailleurs, toi et moi, l'année passée, à une série de la Coupe Micra. Là, on a non seulement le promoteur de la Coupe Micra, mais l'inventeur de la Coupe Micra. C'est celui qui y a pensé, parce qu'il faut le dire, c'est un événement unique au monde. Oui. Sauf que s'il est avec nous, c'est Jacques Déhaye. Jacques, bonsoir. Salut, messieurs. Bon, écoute, Jacques, pour ceux de nos auditeurs qui ne seraient pas au courant, qu'est-ce que c'est la Coupe Micra? Bon, écoutez, pour les gens qui se souviennent, en tout cas dans le passé, de la série Honda Michelin, il y a eu par la suite la Coupe Eco en collaboration avec la Corporation des concessionnaires auto Toyota du Québec. Ben, c'est une série monotype, c'est une série qui rassemble des voitures qui sont tous identiques. Et la grande particularité de cette série-là, c'est que tous les pilotes ont exactement la même monture. Donc, la différence au chapitre des résultats, c'est vraiment entre le volant et le siège, c'est-à-dire le pilote. Et ce qui est intéressant de cette série-là, parce que bon, faire de la course, je sais, toi, t'en as fait, entre autres, dans une Mazda 3 qui était Oui. rendue, qui valait presque aussi cher qu'une Formule 1. Un peu, oui. Alors, ce qui est intéressant de la Coupe Micra, en fait, c'est que c'est aussi probablement la série la moins dispendieuse au Canada. Bon, écoutez, faut se mettre en perspective que le sport automobile, comme n'importe quel sport, c'est pas un investissement, c'est une dépense. On s'entend là-dessus, Ouais, OK? Alors, ben, tu sais, bon, alors c'est un sport comme n'importe quel autre. Il y a des gens qui font de l'équitation, il y a des gens qui investissent dans le hockey, il y a des gens qui investissent dans différentes disciplines. La course automobile, c'en est une. Sauf que il y a moyen de rendre le sport automobile accessible pour la grande majorité des passionnés à un coût qui est relativement raisonnable. Parce que tout ce qu'on entend partout, c'est que le sport automobile, ça coûte une fortune, j'ai pas les moyens, on va oublier ça. La Coupe Nissan Micra a permis quand même à des pères de famille qui ont toujours rêvé de faire de la course automobile. Je pense à Frédéric Bernier de Québec. Je pense à Mario Bertium de Trois-Rivières. Ces gars-là ont toujours rêvé de faire de la course et c'est la Coupe Nissan Micra qui a permis à ces bonhommes-là de réaliser leur rêve parce que c'était quand même relativement abordable. On parle d'une voiture qui coûte 22 000 piastres, prête à courir. On parle d'une série qui peut coûter à peu près 30 000 piastres pour une saison. On fait de grands circuits et c'est une série qui est hyper médiatisée. Messieurs, vous le savez, on entend parler de la Coupe Nissan Micra partout. Alors ça, là, tout ça, là, tout ça mis ensemble fait que ça a rendu possible, même auprès des jeunes qui sortent du karting, quoi que ce soit, de se trouver des commanditaires relativement facilement et de leur permettre de prouver qu'ils ont le talent nécessaire pour aller gravir les échelons. Alors, ça permet à une foule de monde d'assouvir, si tu veux, leur passion. Okay. Écoute, on a eu... Ben excuse-moi, Luc, vas-y. C'est beau. Jacques, je me demandais juste... bon, c'est toi le papa de la course Micra, c'est toi qui as parti ouais. ça. T'as approché ouais. Nissan avec ça, ça a été quoi leur réaction en partant? Parce que c'est quelque chose d'un peu qui sort du commun, là. Ils ont réagi écoute, comment? Bon, mais regarde bien, honnêtement, moi, ça faisait peut-être 10 ans, 15 ans, je sais pas, là, moi, depuis la Coupe Eco, la série Honda Michelin. Moi, j'œuvre dans le sport automobile, et Marc le sait, j'œuvre là-dedans depuis que je suis tout petit. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai peut-être pas le même gabarit qu'Obélix, mais... On pourrait en discuter hors d'onde si ça te dérange ouais, pas. Oui, c'est ça. tu portes toujours un chandail aussi, c'est pas pire. Oui, ouais, c'est ça. Mais je vais en parler tantôt. Hors d'onde, c'est vrai. Mais, mais il reste que malgré tout, je tombais dedans quand j'étais petit et j'ai toujours eu une passion pour ça. Et quand Nissan et Marc étaient là, quand Nissan a annoncé le retour de la Micra au Canada, on était du côté de Montréal, je me souviens pas où, là, dans un endroit de prédilection, où il avait décidé de lancer la voiture, sauf qu'il s'était bien gardé de nous annoncer le prix de l'auto. Il nous avait dit, Christian Meunier à l'époque, le président de Nissan Canada, qui était là à ce moment-là, nous avait dit, on va annoncer ultérieurement le prix de base, la voiture d'entrée de la Micra. Et là, les rumeurs sont mises à circuler partout. D'ailleurs, Marc, toi, t'étais pas loin d'avoir misé sur le prix de base de la voiture. Et quand tout ça a été annoncé au Salon d'Auto de Toronto, là, écoute, soudainement, les lumières sont allumées. Puis là, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Didier Marceau, le responsable des relations publiques. Il dit, écoute, Didier, j'ai besoin de te parler. Moi, ça fait longtemps qu'on a l'idée de partir une série série monotype de courses automobiles. Puis je pensais à la Coupe Micra. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et tout de suite, je vous le dis, là, ça a pris un gros 10 secondes. Didier Marceau a embarqué là-dedans presque immédiatement. Yeah, c'est bon. Ouais, mais il faut dire que Didier, pour le commun des mortels, ouais. Ils ne connaissent pas Didier Marceau. Didier était journaliste en France, a travaillé pour Renault Sport, a été lui-même très, très impliqué dans le sport automobile. Là. Avec Renault en Formule 1 en plus. C'est pas des blagues. Alors, Didier Marceau a une culture de sport automobile. Je te dirais, Marc et Luc, je vous dirais, messieurs, comme à peu près tous les Français. C'est pas compliqué. Et puis je pourrais vous le prouver ultérieurement. Mais Didier Marceau a décidé de monter à bord de cette aventure-là. Et là, on a commencé à travailler le projet jusqu'à finalement, au Salon d'Auto de New York, on a Didier a organisé une rencontre avec Christian Meunier pour lui faire la proposition. Et là, il m'avait fait faire des devoirs. Il m'a fait travailler comme un Christy de malade là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. En sachant très bien que la décision était prise. Mais il voulait que je démontre mon savoir-faire. Alors, j'ai fait une présentation. Ça a duré une heure pour que Christian Meunier, en bout de ligne, me dise, et il n'a jamais lu une ligne de ma présentation, mon PowerPoint que j'avais tellement travaillé. Il n'a pas lu une ligne, puis il m'a dit, ben oui, Jacques, ça va. Alors, j'ai posé la question à Christian Meunier. Oui, ça va, mais j'ai quand même un échéancier. J'ai besoin d'une réponse officielle. Oui, mais ça va, Jacques? Ça va? Ça va? Bon, j'embarque. Puis là, il a regardé Didier Marceau en disant, maintenant, tu te dois d'organiser une réunion avec tous les exécutifs de Nissan Canada et on va mettre ça sur pied et on démarre la machine. Moi, ça a été, wow! Je suis revenu chez moi, j'ai dit, ça se peut quasiment pas. Et voilà, c'est la série Coupe Nissan Micra est née. Et ça a pris tout près d'un an. Et ça, je vous parle là, c'est un an avant le début de la saison officielle en 2015. Donc, ça fait déjà depuis 2014 qu'on travaille. Okay. Ouais. Et il faut le dire, une fois que la première saison a été... L'an passé, déjà, la première saison a été un succès retentissant, là. Ça a été un succès retentissant, puis honnêtement, je me dois de souligner, puis je me dois de remercier personnellement tous mes collègues journalistes qui m'ont appuyé là-dedans. Toi, Marc, le premier, vous avez été des complices incroyables dans cette aventure-là. Puis aujourd'hui, la Coupe Nissan Micra, c'est devenu un incontournable. Et comme on a l'habitude de débuter des saisons sur des chapeaux de roue, ben vous avez vu que cette année, on a encore décidé, involontairement, mais de faire une espèce de buzz médiatique avec le début de la saison. Mais je pense que tout le monde est enthousiaste. Tous les pilotes sont d'autant plus enthousiastes à la série. Et on a réussi à, je vous dirais, à recréer une espèce de grande famille du sport automobile. Et puis ça, là, moi, je pense que c'est ma plus grande victoire. Parce que là, on vient de susciter l'intérêt pour le sport automobile à faible coût. Et ça va probablement contribuer à sauver le sport automobile, honnêtement, au Québec. Ouais, ben en tout cas, ça a déjà, on va quand même le dire. L'année passée, tu l'as dit, tu as eu une couverture incroyable. Il y a même Top Gear qui a parlé de vous autres. Oui. Quand même, oui. C'est pas rien. Il faut préciser que le champion de la saison l'an passé, c'était un jeune garçon, Olivier Bédard, de 18 ans. Oui. Et qui a reçu aussi le trophée Gilles Villeneuve comme étant le meilleur espoir en sport automobile au Québec. Oui, exactement. Ah. Et c'est le pilote qui a eu le budget le plus. Le moins important dans toutes les équipes, c'est celui qui a dépensé le moins d'argent pour sa série, c'est celui qui a dépensé le moins d'argent en achat de pneus, etc. Alors, c'est la preuve qu'on est capable de réussir dans une série monotype à se distinguer parmi tout l'ensemble des pilotes qui courent au Québec. Et cette année, on fait la Coupe Micra prend une, je dirais, un pas en avant. L'an passé, c'était au Québec, c'était chez nous, parfait, ça a bien marché. Et là, vous avez décidé de franchir la frontière. Et bon, tu l'as dit, la saison a commencé, mais elle a commencé en Ontario. Vous allez être beaucoup plus présent dans cette portion-là du pays aussi, là. Bien, on va aller faire au moins 3 week-ends de course en Ontario sur les 8 week-ends qui sont prévus pour la saison. Alors, 3 week-ends en Ontario, un à Calabogie la fin de semaine dernière. Et on va aller faire 2 épreuves, 2 week-ends complets à Mossport, sur le circuit, qui appartient d'ailleurs à un pilote illustre que tu connais très bien, Marc, c'est Ron Fellows. On va aller faire une apparition chez eux au mois de juillet pour la série IMSA, la série de courses d'endurance qu'on a vu aux 24 heures de Daytona. Et on va aussi aller faire une présence, puis ça, je pense que tout le monde est content, pour le week-end NASCAR début septembre, avec justement la série de camionnettes de la série NASCAR et la série Pinty's de NASCAR. Alors, tout le monde est bien heureux. Et je pense qu'à Mossport, ça aussi, ça va lancer, ça va nous permettre, si on veut, de se lancer encore plus solidement du côté de l'Ontario. Et bien sûr, il ne faut pas oublier non plus la présence en sol québécois. Bien sûr, il y a Saint-Eustache, il y a Mont-Tremblant, où vous allez 2 autres fois. Et il y a l'incontournable Grand Prix de Trois-Rivières, où vous allez aussi être présent, et qui avait l'année passée donné lieu à de sérieuses compétitions. Là. Ben écoute, moi, si je me fie au début de saison, messieurs, comme vous avez vu la fin de semaine dernière, ça promet pas mal. Parce que vous savez que cette année, le niveau de compétition est augmenté. Tous les pilotes qui étaient recrues l'an dernier sont devenus des vétérans cette année parce qu'ils ont pas mal plus d'expérience. J'ai des champions en titre. J'ai des gars comme Xavier Coupal qui a couru en NASCAR. J'ai des gars comme Marc-Antoine Demers. J'ai des gars comme Olivier Bédard, évidemment, le champion en titre. Kevin King, le jeune de Trois-Rivières, qui, lui, a remporté la première course de la saison. Bertrand Godin, qu'on connaît bien, à qui vous allez parler tantôt, qui lui aussi fait son introduction en Coupe Micra. J'ai beaucoup de talents cette année et j'ai beaucoup de bonhommes qui ont de l'expérience. Richard Spénard sera là au Grand Prix de Trois-Rivières et on prépare d'autres surprises derrière certains volants. Alors, ça vous donne une idée comment la Coupe Nissan Micra a pris une expansion, mais de l'expérience rapidement. Et ça promet des spectacles. On l'a vu en fin de semaine à Calabogie. On va essayer d'éviter quand même d'avoir des accidents monstres comme on a connu, d'avoir ça tous les week-ends de course, quand même. On va le souhaiter. On va finir la saison avec 3-4 autos, là. Écoute, Jacques, c'est pas mal tout le temps qu'on avait. Sauf que je veux quand même préciser aux gens qu'ils peuvent aller sur la coupe nissanmicra.com. C'est un site sur lequel il y a toutes les informations, il y a les dates des courses, il y a aussi quelques photos. Faites le tour. Jacques, moi, je l'ai dit l'année passée, je le répète, pour moi, ça a été un des cinq éléments les plus importants de la dernière année, la naissance de la coupe Micra. Bien content de voir que cette année, ça continue. Et là, ben, nous, on va faire une pause et au retour de la pause, tu l'as mentionné, on va aller discuter avec un de vos pilotes, mon cher monsieur Dehaye, Bertrand Godin, qui fait un retour en piste. Hey, je vous écoute attentivement, messieurs. Alors, nous sommes de retour, puis après avoir parlé à Jacques Dehaye de la Coupe Micra, nous recevons maintenant Bertrand Godin. Salut Bertrand. Hey, salut. Ça va bien? Ça va très bien. Ben, merci d'avoir accepté notre invitation. Venez nous parler de... T'es rendu pilote de la Coupe Micra cette année. c'est quoi cette décision-là? T'es-tu content d'être de retour derrière un volant? J'imagine que oui. Ah ben oui, c'est sûr que déjà l'année passée, j'ai regardé pas mal ce que faisait... la coupe, et je trouvais ça vraiment génial parce que ça me faisait penser, quand j'ai été en France dans les années 90, il y avait la coupe Renault R5, la Renault 5, et tout de suite, quand j'ai vu cette petite voiture-là, ça m'a rappelé cette série-là qui était hautement spectaculaire en France. Et puis, dernièrement, pour avoir parlé à Didier Marceau de chez Nissan, il m'a dit, ben justement, on s'est inspiré énormément de la Coupe R5 en Europe. Et ça fonctionne tellement bien parce que c'est une série spectaculaire, puis peut-être encore plus avec ce qu'on a vu en fin de semaine. Ouais, ça a brossé. Et là là, et oui, le départ à Calabougie a été quand même assez, assez rebondissant. et donc, mais la bataille en piste avec des voitures monotypes. C'est incroyable comment c'est serré. J'ai pu faire des essais dernièrement, il y a 2 semaines. Et la voiture est super plaisante à piloter. Avec les slicks, c'est une voiture qui est surprenante. En plus de ça, ben faut quand même utiliser beaucoup le circuit pour faire en sorte d'exploiter la voiture à son meilleur. Donc, souvent, il faut monter ses vibreurs, se mettre sur 2 roues. La voiture retombe sur ses roues et là, c'est là qu'on a le maximum de motricité pour sortir des virages. Donc, c'est quand même très, très, très intéressant. C'est un retour en piste pour toi après quelques années où tu as été quand même loin des circuits organisés, je dirais. Ça représente quoi pour un pilote comme toi de dire « go, on repart » et là, tu t'en vas te confronter à des gens. Le pilote de l'an passé, Olivier Bédard, a 18 ans, mais il y en a 19 maintenant. Donc, ça représente quoi pour un gars qui a ton expérience et ta carrière au niveau international? Oh là! Ben pour moi, c'est simple. Hein. J'ai toujours fait du sport automobile pour m'amuser. Même si on en fait une carrière, ma carrière, c'est sûr qu'elle est derrière moi, puis ça, je m'en cache pas. Sauf que le fait de rembarquer, pour moi, c'est premièrement... La lutte, même si, bon, il y a des jeunes fougueux dans le groupe, la bataille reste néanmoins envers moi-même. La course, c'est ça. C'est de se battre, c'est de se dépasser à chaque tour. Et puis, c'est sûr, de dépasser les autres adversaires. Mais dans ce cas-là, ben, je vais commencer par être plus vite que le camion balai. Et après ça, ben de m'attaquer aux autres adversaires qui sont en piste. Mais pour moi, je demeure compétitif mentalement. Je suis en course à tous les jours. Et même avec le métier que j'exerce aujourd'hui, je suis probablement beaucoup plus dans le mode de pensée pilotage, de pensée psychologie de pilotage. Et ça, pour moi, ben, ça m'a fait beaucoup grandir ces dernières années. Ouais, parce que on va quand même expliquer aux gens, si tu permets, Bertrand, de dire que oui, t'es un pilote d'expérience. S'il y en a qui connaissent pas ta carrière, je les invite à aller lire ta biographie. T'as quand même gagné au Grand Prix de Montréal, t'as été vice-champion de France, t'as couru en Formule 3000. Mais actuellement, tu as décidé de te consacrer à autre chose. D'une part, à l'enseignement de la conduite auprès des policiers à l'École nationale de police. Mais tu es surtout un porte-parole extrêmement actif du côté de la sécurité routière. Oui, alors ça, c'est sûr que pour moi, ben, la sécurité routière, ça me tient à cœur. C'est certain que ce qui amène la sécurité, c'est des connaissances, c'est du sens de l'observation, c'est de faire en sorte... de recadrer nos objectifs quand on est sur la route. Pour moi, ben, c'est une belle une belle vitrine, qu'on dira, mais c'est surtout et avant tout, mais, comment je dirais, c'est peut-être juste un retour du balancier. Parce que je vais vous dire, moi aussi, j'ai été jeune. Moi aussi, ma première voiture, je l'ai eu 9 jours. Okay, j'ai rentré dans un virage à 170 km/h pour impressionner un ami. Et par la suite, ben, j'ai réalisé que la route, c'était pas une piste de course. Et puis, que la Sûreté du Québec, que différents corps policiers m'aient demandé ça. Puis, je l'ai pas fait vraiment pas pour être payé. Au contraire, je l'ai fait vraiment de façon... à vouloir aider la population, à faire en sorte que les conneries que j'ai faites, ben, qu'on puisse ne pas les faire, mais peut-être quand même comprendre les enjeux et faire en sorte que quand on veut aller faire de la vitesse, ben, on va aller sur un circuit de course. D'ailleurs, c'est à ça que ça sert. Et puis, rendre la conduite plus sécuritaire, ben, la conduite, ben, on le sait, c'est pas juste les gens qui sont en voiture, c'est les gens qui sont en vélo, c'est les gens même à pied. Donc, ça va large, là, la conduite. Ouais. Comment on applique ça? Écoute, je te dis, j'essaie de me placer dans la peau. Moi, je te connais bien, mais j'essaie de me placer dans la peau des gens qui te regardent de l'extérieur un peu. Le pilote de course, le gars qui a gagné sa vie en risquant sa vie, le pied dans le tapis, qui aujourd'hui dit aux gens, ben soyez prudents sur la route, faut faire attention. Comment ça se traduit de l'un à l'autre? Oh là là, c'est certain que c'est une bonne question. La perception des gens, peut-être ceux qui connaissent pas trop le sport automobile vont dire « Yaya, il faut être fou pour rouler à 340 km/h ». Mais souvent, les gens me parlent de vitesse. Et là, je leur dis, j'ai dit « Faites attention, c'est pas parce que vous respectez les règles. » Parce que, comment je dirais, en conduite, en course, on a énormément de règles à respecter et on les respecte. Okay. Et probablement même beaucoup plus que ce qu'on peut penser et même peut-être plus que la majorité des gens sur la route. Mais comme je disais, ça prend des connaissances. On peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, et sur la route encore moins. Donc la transition se passe assez bien. Quand on parle de vigilance qui est vraiment dans le tapis, quand on est sur un circuit, si on pouvait avoir la même vigilance lorsqu'on est sur la route, mais en respectant la réglementation, c'est certain que des accidents, on n'en aurait tout simplement pas. Ouais. Donc, c'est souvent, ben, je le vois avec les aspirants, je vois des jeunes qui sortent de leur cours de conduite de base et malheureusement, on ne leur a pas appris à gérer des extrêmes. Et quand arrivent des situations problématiques, ben, on fait face à des choix, à des priorités de gestes que si ce n'est pas dans le bon ordre, ben, c'est la tragédie au bout. Donc, pour rendre les gens plus conscients, eh bien, de leur faire vivre soit des choses sur simulateur, d'autres fois, ça va être plus dynamique sur le circuit. Disons que pour moi, ben, j'étais engagé à l'École nationale de police avant tout parce que en 2009, quand Mélanie Roy, une policière de Lévis, s'est malheureusement tuée, il fallait faire quelque chose pour pouvoir améliorer la conduite dynamique chez les policiers. Mais du même coup, il y a aussi tout l'aspect psychologique, pression, qu'il faut savoir gérer parce que, comme je dis, la conduite, c'est 40% de savoir observer, connaître, et puis l'autre, c'est tous des facteurs humains qui rentrent en ligne de compte qui vont faire en sorte qu'une personne va agir d'une certaine façon, de garder son calme. Je vais vous dire, comme pilote de course, on suivait des cours avec des psychologues sportifs pour faire en sorte que notre intensité soit contrôlée. Parce que lorsque ça devient contrôlé, eh bien là, on ne priorise plus les bonnes choses. Et ça se traduit par une collision. Ouais. On parlait, Bertrand, tu parlais des jeunes qui sortent de leur cours, ils viennent avoir leur permis de conduire et tout ça. Penses-tu qu'au Québec, on devrait rendre le cours de conduite hivernale obligatoire? Ben oui. Okay. Oui, savoir conduire, c'est savoir gérer un environnement. Un environnement qui est constamment en changement. Oui. On s'entend que le pire, c'est l'hiver ici au Québec. Là. Ben, le pire, c'est l'hiver, puis la conduite hivernale, il faudrait être capable d'encadrer les gens là-dedans. L'hiver passé, je m'en allais, on était les premières neiges. Les gens restaient dans le centre de leur voie sur une petite portion glacée. Autrement dit, c'était comme une raille de glace. Ouais. Les gens restaient dessus. Et moi, j'avais fait un test de freinage pour être conscient de l'adhérence que j'avais sur cette trajectoire-là. Et j'ai tout simplement retassé la voiture d'à peu près quoi, ben, la largeur d'un pneu, tout simplement. Et quand j'ai freiné, j'avais le maximum d'adhérence. Et là, ben, qu'est-ce que je me doutais est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a freiné trop tard. Et il n'y avait pas l'adhérence parce qu'il était resté justement sur ces rails de glace-là. Et là, ben, il a braqué le volant au maximum pour essayer d'éviter. Et quand la voiture a mordu sur l'asphalte, la voiture est partie dans un tête-à-queue très violent. Et là, je me suis dit, eh là là, si on avait appris à cette personne-là à pouvoir être consciente de l'adhérence qu'on pouvait avoir, de rechercher l'adhérence sur la route, ça serait pas arrivé. Mais malheureusement, on apprend souvent quand on passe proche d'avoir un accident. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on devrait passer beaucoup plus de temps à expérimenter des choses. Je le vois en dérapage, notamment quand quelqu'un part en dérapage, je ne sais pas quoi faire. Et à ce moment-là, ben, c'est sûr que c'est la voiture qui prend le dessus. Écoute, Bertrand, le temps nous presse un petit peu. Avant de terminer, j'aimerais ça. On a parlé au début que tu faisais un retour en coupe micro. À quel moment les gens vont être capables de te voir au volant de cette petite voiture, là, mais super stimulante à conduire? Ben, déjà, le 19 juin, je vais être à Saint-Eustache pour ma première course. OK. Et je vais faire le Grand Prix de Trois-Rivières. Puis pour moi, là, être à Trois-Rivières, c'est tellement quelque chose de précieux parce que Trois-Rivières, ben, c'est. Il y a tellement d'histoires là-bas. Gilles Villeneuve a battu James Hunt, c'est ce qui l'a emmené en F1. Moi, j'ai vécu des très beaux moments à Trois-Rivières en Indy Light quand on a terminé cinquième, la première présence de l'Indy Light à Trois-Rivières. Le partage qu'on peut faire avec les gens là-bas. Venez me voir, ça me fait plaisir de parler avec les gens, de parler de course, parler de passion et de performance. Donc, pour moi, là, c'est... Ça va être un beau moment de partage encore une fois, mais j'ai hâte d'être derrière le volant puis d'essayer de me dépasser tour après tour. Écoute, on va simplement rappeler aux gens que tu ne fais pas la saison complète, tu partages le volant dans la voiture Albi le géant avec Xavier Coupal. Xavier qui t'a mis un petit peu de pression au premier week-end de course en finissant deuxième à la première course et premier à la deuxième. Il est donc en tête du championnat actuellement. Alors, je vous rappelle qu'on pourrait voir Bertrand Godin le 19 juin à l'intérieur de la Coupe Micra dans la région de Saint-Eustache et plus tard au mois d'août au Grand Prix Trois-Rivières. Bertrand, c'est tout le temps qu'on avait. Je te remercie beaucoup. Si tu permets, on va te rappeler à un moment donné. J'aimerais ça que tu racontes aux gens un peu plus ton cheminement parce qu'il y a des affaires vraiment le fun. Je sais, moi, je l'ai entendu à quelques reprises. Mais si tu permets, on va te ramener sur l'émission à quelques reprises. Tu pourras nous en parler davantage. Avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Bertrand. Merci. Merci, au revoir. Donc, Marc, nous, on va faire une pause, puis on va revenir ensuite pour nos essais de la semaine. Alors, nous sommes de retour. Marc, on va finir avec nos essais de la semaine. Ça fait un peu différent de l'habitude, parce qu'on emmène les essais, c'est toujours notre deuxième bloc. Cette semaine, on avait des invités, on les a passés en premier. Donc, on va finir avec nos essais. Toi, mon chanceux, t'es allé faire un tour dans l'ouest du pays, à quelque part en Alberta, là où il y a de la neige, des chevreuils, des ours et tout plein de choses comme ça. Mais il y avait aussi un Ford Escape 2017 dans la nature. Tu l'as trouvé comment? Je sens ta jalousie, là. Je sais que t'étais jaloux parce que aller rouler dans les rocheuses, c'est quand même quelque chose de super intéressant. Mais effectivement, je suis allé essayer le nouveau Ford Escape 2017. Un Ford Escape qu'on a remanié, mais qu'on n'a pas refait au complet. Okay. C'est-à-dire qu'on l'a modernisé, puis on n'avait pas bien le choix parce que même si l'Escape est extrêmement populaire dans ses catégories, c'est-à-dire qu'il est numéro un depuis 2011, je pense, dans la catégorie des petits utilitaires compacts, là, ben, il commençait à se faire pousser dans le dos un peu par le Toyota RAV4 notamment, par le Hyundai Tucson, par le Kia Sportage, qui eux autres ont été complètement refaits au cours des derniers mois. Donc, on arrive donc avec un véhicule qui était un peu vieillissant et à qui il fallait donner une nouvelle personnalité. Physiquement, on l'a changé pas mal. C'est-à-dire qu'on a gardé la même base, la même structure, la même architecture. Ça n'a pas changé. Le châssis change pas. Les dimensions changent pas. Ce qu'on a modifié essentiellement, c'est la grille avant. Mm-hmm. On a rendu beaucoup plus moderne. Moi, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien parce que celle d'avant était un peu ordinaire. Ouais. Les blocs optiques ont été changés aussi. Le capot, bien entendu. Écoute, je te cacherai pas que quand on le regarde, il y a une petite allure de Hyundai Tucson. Oui, j'ai vu des commentaires sur tes photos sur Facebook et les gens semblaient un peu le traiter de cousin. Ouais, exactement. Ouais. Ben, je t'avoue qu'on est effectivement pas très loin. La partie arrière a aussi été modernisée, mais pas mal moins. Elle a une petite allure de Subaru Forester. Mais ça, c'est mon interprétation à moi, évidemment. Quand on arrive dans l'habitacle, là, c'est un peu différent. On n'a pas changé grand-chose, encore une fois. Sinon qu'on a mis un petit peu plus d'espace. Non, pas vraiment. On a modifié, je dirais, l'espace dans la console centrale. Okay. Ça nous permet d'avoir un espace pour cacher notre téléphone intelligent, deux prises USB pour le brancher, des porte-gobelets. Parce qu'avant ça, c'était un des défauts. Il n'y avait aucun espace de chargement dans la console. Et c'était évidemment un peu ironique là, pour un véhicule utilitaire sport qui se voulait un peu familial. Ouais. La beauté, on a enfin installé Sync 3 sur le Ford Escape. Ouais, ce qui a fait du bien. Moi, je détestais pas My Ford Touch, là, mais ça prenait un petit peu d'habitude d'utilisation. Un coup qu'on le connaissait, ça allait bien, mais Sync 3, c'est une nette amélioration. Nette amélioration au niveau de l'ergonomie, de la hiérarchie des menus, tout ça. Nette amélioration aussi au niveau de l'écran tactile qui est beaucoup plus facile à manipuler. Ouais. Bref, et My Ford Touch et tous les autres qui ont précédé, écoute, 67% des plaintes enregistrées aux États-Unis contre Ford concernaient le système multimédia. Ouais. Fait que je pense qu'on était comme dû pour le refaire, là. Ouais, ça, j'ai pas nécessairement de doute là-dessus, mais encore là, c'est pas tout le monde qui a la facilité d'apprendre un système comme ça, puis plus ça vient compliqué, PC. Ouais, non, je sais. Mais là justement, il est facile. Ouais. Les commandes vocales répondent bien. Et évidemment, ben tu branches et tu peux avoir Android Auto ou Apple CarPlay. Donc, tu te retrouves facilement. Même si moi, je me sers pas de ça, j'aime mieux travailler avec les systèmes natifs qu'avec les systèmes de téléphone. Bon, pour des gens comme toi, par exemple, parce que je sais que toi, t'aimes bien ça, c'est toujours le fun que ce soit compatible. Ouais. Le vrai changement du Ford Escape, on le retrouve sous le capot. Écoute, la version de base a encore le moteur 2.5. Ouais. J'ai jamais vu une présentation aussi courte de la part d'un ingénieur. Ben, ils n'ont rien à dire. C'est le vieux. J'ai ça dans mon Escape présentement. C'est ça. Ben, c'est exactement ce qu'il nous a dit. Il dit oui, le 2.5 est encore là. Ça a été pas mal la fin de la présentation. Ce que c'est, en fait, c'est qu'il faut savoir que c'est seulement 3% des ventes au Canada, donc ils s'en sacquent un peu. Ouais. Et c'est fait sur les versions à traction seulement, ouais, traction avant, et sur le modèle de base. Alors évidemment, on n'en vend pas beaucoup, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Là où on met plus d'importance, c'est sur les deux autres moteurs. Deux moteurs 4 cylindres, tous les moteurs sont jumelés à une boîte 6 vitesses automatique. Mais on arrive avec un 4 cylindres de 1,5 litres EcoBoost, mm-hmm. 179 chevaux. Quand même, c'est intéressant parce qu'il est correct en ville. C'est sûr que moi, j'ai fait 1000 km sur des routes de montagne, entre autres, tu en as parlé tantôt. Mm-hmm. Il y a des bouts où j'essayais de dépasser, puis je trouvais ça un petit peu difficile. Parce que là, ouais. Tu sens que le moteur s'essouffle rapidement. C'est parfait en ville, mais quand tu arrives pour pousser un peu plus, mais là, tu aurais peut-être tendance à te tourner vers le 2 litres. Parce que tu as un autre EcoBoost, le 2 litres turbo, qui lui arrive avec 245 chevaux et capable de remorquer jusqu'à 3000 livres. Ce qui okay. est quand même intéressant pour un petit escape comme ça. Ouais. Alors évidemment, quand on était dans les montagnes, c'était beaucoup plus facile de dépasser les camions. On souffrait un peu moins là, quand on courait après les ours, non, c'est pas vrai. Mais bref, c'était quand même agréable. Au niveau de la conduite, écoute, ça n'a pas changé. On n'a rien changé au niveau de la direction, au niveau des suspensions. On a amélioré l'insonorisation, ça c'est bien. Toujours un système rouage intégral qui est intéressant, qui est tout à fait correct. Mais évidemment, bon, on a eu quelques flocons de neige, mais pas assez pour tester l'intégrale. Mm. Alors, c'est difficile à dire. Pour le reste, écoute, en termes de prix, on se retrouve avec le même genre d'échelle de prix qu'on avait auparavant, donc de 25 à 40 000 $ ou à peu près. Et il y a un groupe sport qui se vend comme 2 000 $, un petit peu moins de 2 000 $, qui ajoute là, des roues, une finition intérieure différente, des éléments aérodynamiques différents et qui donne vraiment un style un peu plus raffiné à l'ensemble. Alors, en conclusion, je te dirais que l'Escape n'a pas évolué suffisamment pour dire qu'il va gagner vraiment une nouvelle clientèle, mais on lui a donné juste assez de modernisme et de nouvelles qualités pour lui garantir qu'il va garder sa première position dans le segment où il évolue. Et ça, je pense qu'en soi, pour Ford, c'est une excellente nouvelle. Ford a toujours été fort sur les camions, ces choses comme ça. Donc ça rentre un peu dans ce créneau-là. Puis l'Escape, je veux dire, était déjà populaire dans le temps, dans le modèle que moi j'ai. Donc ça a juste, ça a juste continué, là. Fait que c'est bon. J'aime bien ce qu'ils ont fait avec. On l'avait vu au Salon de Montréal, je pense qu'il l'avait Oui, présenté. effectivement, il était là. Puis c'était, tu sais, il s'est embelli beaucoup avec le changement de la calandre. Il a fait beaucoup, beaucoup de bien. Ouais, tu vas apprendre vite qu'en vieillissant, on s'embellit souvent. Bon, je veux juste te dire ça de même. En tout cas. Ça n'a pas l'air marché pour moi, toi, mais bon. Non, mais mettons, je parlais pour moi. Fait que, de ton côté, cependant, tu as essayé un autre genre de véhicule. Ouais, j'ai essayé un Dodge Durango, donc un petit peu plus gros que ce que toi t'avais. Dodge Durango 2016. Bon, Dodge Durango, c'est pas une jeunesse, là. C'est pas quelque chose qui est là, t'sais, depuis la semaine passée. Ça fait quelques années, même s'il y a eu une pause dans la production, je pense que c'est en 2009-2010, il n'y en a pas eu. Si on revenait avec un 2011, je pense que Chrysler ou Dodge savait pas trop où s'en aller avec ce véhicule-là. C'est un véhicule 7 places. Moi, j'ai pas eu la version la plus haute de gamme. J'ai eu comme le SXT avec l'intérieur en tissu. Le petit écran pour le Uconnect. Uconnect qui est, à mon avis, un des meilleurs systèmes sur le marché, mais j'avouerais qu'avec le petit écran, c'est moins intéressant. J'aime ouais. Le Uconnect quand t'as le gros écran. Avec le petit écran, ça faisait un peu chenu, comme on pourrait dire. Le Uconnect, en fait, ce qui est intéressant, c'est la facilité de connexion avec ton téléphone intelligent. Ouais, quand t'as le petit écran. Parce que c'est un des plus faciles. Pour le reste, t'as raison. C'est pas nécessairement évident à lire, là. Non, c'est ça. Avec le petit écran, j'ai pas trouvé que c'était merveilleux. Mais bon, j'avais quand même la caméra de recul et tout ça. Pour un véhicule de ce taille-là, la caméra de recul, c'était bienvenu. J'ai pas eu à faire de stationnement parallèle. Donc, ça, c'était quand même bien. C'est un véhicule qui est quand même énorme, là. C'est quand même assez gros. J'ai bien aimé. C'est confortable. C'est quand même très bien. Je veux dire, consommation d'essence, là, malgré sa grosseur et tout ça, puis malgré que j'ai quand même eu à faire... j'ai fait le trajet vers l'hôpital une journée, l'hôpital Sainte-Justine, dans le trafic et tout ça, j'ai quand même fini avec une consommation combinée de 10 litres au 100. Pour un véhicule de ce grosseur-là, j'ai trouvé ça quand même très bien. Effectivement, c'est intéressant parce que... Mais il y a dessus, il faut le préciser, la désactivation des cylindres. Oui, puis il y a le stop-start dans le trafic. Donc si... C'est ça. Et ça aide pas mal. Oui, c'est très bien. Deux moteurs disponibles. Moi, j'avais le V6 Pentastar de 3.6 litres qui développe 290 chevaux, 260 livres-pieds de couple, puis un moteur, bon, comme d'habitude, un 8 cylindres EMI de 5.7 litres qui produit 360 chevaux, 390 livres-pieds de couple. Oui, d'après moi, tu aurais consommé un petit peu plus. Probablement un petit peu plus. Les deux sont munis d'une transmission automatique à 8 rapports. Je trouvais que la transmission faisait un bon travail sur ce véhicule-là. Des plus petits véhicules, le monde se plaint souvent que la transmission est un peu partout, elle change trop souvent de vitesse, qu'on n'est jamais en huitième et tout ça. Moi, j'ai pas remarqué que la transmission avait de la misère. Tu sais, ça allait bien. Je me suis pas battu avec. Bon, les accélérations sont pas fulgurantes, là. À la grosseur que ça a, c'est quand même pas une Viper. Mais c'est ça, mais c'est pas une course d'autobus scolaire non plus. Non, là. C'est ça. Tu sais, fait que c'était bien. Beaucoup d'espace. Un peu gros. Mon fils, comme on a parlé, a eu des petits problèmes de santé, s'est fait opérer. Il trouvait ça dur de monter et de descendre du camion, pas de marchepied. Si vous achetez ce genre de véhicule-là, faudrait peut-être penser à faire installer des marchepieds. Là. C'est probablement quelque chose de très intéressant. Bon, quatre roues motrices et tout ça. Donc, c'est un bon, gros véhicule. J'ai quand même bien apprécié. Le confort est là, là. Si vous faites beaucoup de route, on se fait pas brasser. C'est vraiment confortable. C'est une bonne routière. Puis avec le 6 cylindres, j'ai trouvé ça quand même, là, comme on disait, assez sobre pour la grosseur du véhicule. Ce serait un véhicule, j'aurais pas de misère à recommander. Je sais pas la fiabilité ces choses-là. J'ai pas lu là-dessus. Je pense que c'est un véhicule qui est quand même très bien, là. Écoute, le V6 3.6 Pentastar a été nommé comme un des 10 meilleurs moteurs selon Wired. C'est un moteur qui est vraiment sans problème, sans difficulté. Et la boîte de vitesse 8 rapports de Fiat Chrysler, c'est intéressant. C'est la 9 vitesses que tout le monde chiale surtout. C'est vrai. La 8 vitesses, elle est vraiment mieux adaptée. Et en général, pour des camions de cette dimension-là, c'est celle que l'on utilise qui est intéressante. Le seul bémol que moi j'ai trouvé au Durango, t'en as parlé, c'est l'accès à bord, mais c'est aussi vrai pour l'accès de chargement. Quand t'achètes un camion de cette grosseur-là, t'aimes ça pouvoir transporter des affaires. Ouais. Mais là, évidemment, quand t'es obligé... Bon, OK, je suis pas très grand, là, mais quand t'es quasiment obligé d'élever à bout de bras pour être capable de déplacer, ça demeure un peu compliqué. Ouais, ça c'est... J'ai pas eu à mettre beaucoup de choses dans le coffre. Le coffre est très grand. C'est sûr qu'avec les sept places en place, puis le monde s'assoit dedans, le coffre est plus tellement grand. Même des fois, c'est quasiment préférable. Je suis allé faire une épicerie à un moment donné, puis j'ai volontairement monté les bancs de la dernière rangée pour que le coffre soit plus petit, pour pas que mes sacs se ramassent partout dans le coffre. Puis si on a besoin de courir après tes cacanes de conserve. Ouais, c'est ça. Puis si vous avez besoin de plus de place, mais vous descendez la dernière rangée ou les deux dernières rangées, puis là, ça vous donne vraiment beaucoup beaucoup d'espace de chargement. Je pense que c'est un excellent véhicule. J'ai bien aimé ça. La seule chose, moi aussi, je trouvais ça un peu haut, un peu gros. La conduite, on s'entend pour dire que c'est pas une direction de voiture sport, là. Non plus, mais c'est correct, là. Je veux dire, c'était confortable, puis tout ça, là. J'ai pas détesté. Mais c'est ça, ça prend un besoin, tu sais, vraiment criant pour un véhicule de cette grosseur-là, là, quand même, parce que c'est en stationnement parallèle au centre-ville. Quand je suis allé à l'hôpital Saint-Justine, me stationner à l'intérieur, j'avais des petites craintes. Évidemment. Mais j'ai réussi à pas tuer personne ni rien accrocher, donc tu sais, je me donne des points de ce côté-là. Ouais. T'étais à l'hôpital, c'était déjà mieux. Ouais, au moins t'étais déjà rendu. Donc Marc, on va finir là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment est-ce qu'ils font ça? Écoute, sur mon Facebook, Marc Bouchard bien sûr, Marc souligné Bouchard sur Twitter. Ils peuvent me suivre sur tous les sites de Netmedia, là, EcoloAuto.com, Luxury Car Magazine, VUSMag.com. Donc ils peuvent me rejoindre là. Et bien sûr, en fait, le plus facile, c'est toujours par notre page, Ça roule radio, sur Facebook. C'est là que vous pouvez nous parler en tout temps. On est toujours disponible. Et on a aussi une adresse courriel qui, comme d'habitude, dont je me souviens pas du tout. Jamais, c'est info@saroulradio.com. C'est tellement compliqué. Si vous voulez nous poser des questions, peu importe à quel membre de l'équipe, là, ça peut être Martin pour les voitures électriques, ça peut être Benoît pour l'assurance, moi ou Marc, il n'y a aucun problème. Vous nous posez une question par courriel, je vais l'envoyer à la bonne personne. Et info@saroulradio.com, ben moi et Marc, on les reçoit tous les deux. Donc, si c'est une question pour nous, on est capable de vous répondre. Donc, questions, commentaires et tout ça, on est ouvert aux suggestions et à vos questions. Moi, si vous voulez me rejoindre, ben Twitter, c'est Ascalazormo. Et puis, il y a aussi la page Twitter, et le compte Twitter de l'émission qui est Ça roule radio. Et puis, vous pouvez me lire sur le blog automobile de Kijiji au FR, kijijiblog.ca. Puis, vous cliquez sur l'onglet véhicules, puis vous allez pouvoir voir mes articles. Donc, c'est pas mal ça. Disponible sur iTunes, disponible aussi sur Google Play si vous avez une patente Android ou une Apple. Et puis, c'est pas mal ça. Donc là-dessus, on va terminer l'émission, puis je vous dis à la semaine prochaine. On revient la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va essayer le Mazda CX-9 à Kelowna. On aura l'occasion d'en reparler, mon cher. Ah, moi, je vais vous parler ça va être mon tour de vous parler de la Chevrolet Volt, voir ce que moi, j'en ai pensé. Marc l'a fait il y a quelques semaines. La semaine prochaine, c'est à mon tour. Donc là-dessus, bye tout le monde. Bye-bye.